Cadeau surprise. La journée a été longue et fatigante, tout comme ces deux derniers mois pendant lesquels nous avons déménagé. Nous avons pris notre temps pour nous installer, ma grossesse avancée n'a pas été un obstacle et désormais nous avons un lit bien à nous, chaud et presque confortable. Jean-Paul est descendu dans notre chambre tout à l'heure, il dort bien quand je le rejoins à minuit passé. Dans 2 jours, c'est Noël. Demain, il est prévu de retrouver quelques membres de la famille dans un restaurant à midi, puis d'aller en quérir d'autres à leur domicile respectif afin de les ramener chez nous pour les fêtes. Mes parents, qui détestent la promiscuité, dormiront dans un hôtel du village voisin. Mon frère, Léonard et ses filles, Adrienne et Sabrina, camperont ici pendant 15 jours. Belle-mère, beau-frère, belle-sœur viendront juste pour la journée de Noël. Tous les cadeaux patientent sous l'arbre. Le frigidaire est plein à craquer, les boîtes à biscuits et tout. Ce soir, je suis à la fois très excitée et fabuleusement heureuse. Sans espoir de me calmer, je revisite mentalement mon parcours un peu chahuté et apprécie à nouveau ce privilège d'avoir enfin rencontré le compagnon idéal. Depuis quelques mois, ça plane pour nous. Nous attendons notre enfant avec impatience, très conscients de la chance que nous avons, parce que j'ai 39 ans déjà, et les choses ne se passent pas toujours aussi bien. Inconsciente de ces considérations, bébé Charlotte dort depuis longtemps déjà dans sa chambrette. Misère! J'ai à peine le temps de m'assoupir qu'un grondement familier sourd de mes entrailles. On dirait que la nuit va être courte. C'est bien ma chance. J'en avise Jean-Paul qui s'éveille en sursaut. Il veut bien me croire, mais, habitué à vérifier ses sources, il monte, en courant presque, chercher le livre de référence. J'élève mon enfant de Laurence Pernoud. Il revient illico me rassurer, alors que j'ai déjà mis 2 enfants au monde, moi. Il me dit que non, ce n'est pas le moment, tu vois. Ici, c'est très clairement expliqué. Alors, essaye de dormir. Demain, ça va être long. Oh, oui, c'est le moment. Mais docile, je me recouche, résolue à ne pas le contredire et à prendre patience. Tout de même, au bout d'une très longue période, 30-40 secondes, impossible de douter. Ce petit, prévu pour dans 3 semaines, n'a pas l'intention de passer Noël au chaud. Il a décidé de faire son entrée dans notre monde, ici et maintenant. Après quelques instants de flottement pour accorder nos violons, nous jugeons qu'il serait trop dangereux de prendre le risque que j'accouche dans notre voiture en pleine nuit. Nous décidons de ne pas bouger, de nous débrouiller tout seul. Après tout, je suis en parfaite santé. Le futur père monte faire bouillir de l'eau, comme on le voit au cinéma, préparer des linges, stériliser une paire de ciseaux. Il en profite pour appeler l'hôpital et les prévenir de l'imminence de l'accouchement. « On nous envoie immédiatement une sage-femme, » dit la réceptionniste. Je prépare notre lit, le protège d'une alaise en caoutchouc, je dispose les oreillers, puis je m'installe le plus confortablement possible. Nous avons poussé le petit radiateur à fond, allumé quelques bougies pour l'ambiance, mis des jolis tissus sur les lampes pour adoucir la luminosité. Aux alentours de 5 heures du matin, les contractions se font plus fortes. Je m'exprime toutes les 5 minutes. Jeannot me tient la main, me masse le dos, m'essuie le visage. Tout est prêt. Entre 2 douleurs, nous rions et bavardons. Je le sens un peu fébrile quand même et il me semble le voir trembler par moments. Après tout, c'est un peu normal. C'est la première fois qu'il participe, lui. J'ai néanmoins une confiance absolue en nous et la certitude que tout va bien se passer. Oui ! Cette fois, ça se précise. Agenouillé devant moi, en position d'accueil, il m'encourage. « Vas-y, pousse, pousse encore, respire, vas-y, pousse, encore un peu. Ça y est, je vois sa tête, respire, ne bouge plus. Je l'attrape, pousse encore un tout petit peu. » Le voilà. « Bonjour, mon grand. Bienvenue, mon fils. » Sans même la traditionnelle tape sur le cul, Thomas pousse son premier cri. Son père coupe le cordon qui nous relie avant d'essuyer sommairement notre bébé et de le poser sur mon ventre. Nous faisons connaissance peau contre peau. qu'il est beau, qu'il est magnifique, notre enfant. Et ce regard direct, ouvert sur la vie, nous le recevons comme une onde d'amour. Puis son papa l'enveloppe, l'emmène quelques instants pour le laver. Après quoi, nous restons là, tous les trois, un peu groggy, dans un bonheur extatique. Dehors, une portière claque. La sage-femme arrive, juste à temps pour recueillir et vérifier le placenta, faire ma toilette, contrôler que tout est en ordre, que bébé réagit bien, et nous féliciter. Beau boulot, Jeannot. Bravo, Christina. Un peu plus tard, le jour levé, l'Émile vient nous livrer le bois que nous lui avons commandé pour l'hiver. Mis au courant du récent événement, il va aussitôt rameuter quelques voisins pour l'aider à empiler les stères propres en ordre, comme on dit chez nous, afin que nous n'ayons pas à le faire. Voilà un beau cadeau de naissance. Et il n'est que 7 heures du matin. Quelques heures plus tard, mon adoré prévient toute la famille par téléphone, puis s'occupe de Charlotte qui s'éveille pendant que Thomas et moi dormons enfin, exténués. Dans la journée, la famille et les amis viendront saluer le nouveau venu, nous apporter présents et nourriture avant de nous laisser savourer notre joie et la première tétée en toute intimité. Les jours qui suivront, nous les vivrons centrés sur nous-mêmes, blottis dans un cocon d'amour, éperdus de reconnaissance. Que c'eût été beau si l'histoire s'était passée ainsi, n'est-ce pas? Si nous n'avions pas hésité, vu mon âge à risque, et finalement choisi la voie de la raison. Petit retour en arrière. Après avoir téléphoné, nous avons pris notre petit auto pour descendre à l'hôpital où nous étions attendus. Sur la route, sous la pleine lune, nous avons freiné pour laisser traverser devant nous une maman renard et ses 3 petits. Le seul moment vraiment pénible a été celui qui m'a vue debout entre 2 contractions à 4h30 du matin devant l'immense porte close de l'hôpital. Ouf, on est vite venu nous ouvrir. Ça n'a pas duré trop longtemps. Puis ma super toubib, blouse blanche sur jeans bleu, est arrivée, fissa. Et la suite a été une partie de plaisir. Enfin, presque. Il est remonté dans nos montagnes le nouveau papa sur le coup des 7 heures pour habiller Charlotte que nous avions laissée là-haut, toutes lumières allumées, toutes portes déverrouillées, nous promettant d'appeler Henriette si jamais ça se prolongeait. C'est bien qu'il n'y ait pas eu grand monde sur la route ce samedi matin-là, parce qu'il ne la voyait qu'à travers un épais rideau de larmes. De bonheur, bien sûr, le nouveau papa. Dans la soirée, une fois toute la famille réunie dans notre chalet comme prévu, après la courte visite d'usage au nouveau-né, Jean-Paul m'a décrit au téléphone, 2 heures durant, toute la cérémonie des cadeaux. Enfin, les cadeaux des autres, bien sûr. Parce que le nôtre, il avait pris un peu d'avance.